Qu'on le veuille ou pas, il y a différents plans de densité. Puis l'être humain, il n'est pas l'aboutissement de juste, je veux dire, il n'existe pas juste sur un de ces plans-là. Le chaman, lui, il va entrer en contact avec un plan d'énergie planétaire. C'est pour ça qu'il voit toutes sortes d'affaires. Il y a beaucoup, c'est psychomagnétique, donc c'est lié des longueurs d'onde, des longueurs d'onde, des choses comme ça. Donc, c'est des plans très colorés. Ils vont percevoir toutes sortes d'affaires, des serpents géants, des multicolores, ils vont pouvoir s'entretenir avec des intelligences qui n'ont pas de corps, puis qui n'ont pas de tête non plus, ça paraît, là, parce que c'est des entités fantaisistes, des fois, qui n'ont aucune rationalité. Ils comprennent même pas la matière, souvent. Puis, tu sais, c'est des êtres qui existent en roue libre, des fois, que c'est même pas... On a affaire à... C'est presque du vent, là, je dirais, dans le sens qu'ils sont même pas conscients d'eux-mêmes, ces êtres-là. Puis juste les chamans inuits, là, les entités qui ont affaire, des fois, là, ce qu'ils décrivent,